إن أهنا ما استكمنا، إن أهنا ما استكمنا، ما استكمنا، إن أهنا، إن أهنا ما استكمنا، إن أهنا ما استكمنا، ما استكمنا، إن أهنا. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي، أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغب. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي، أخبريهم لا تخافي. لا تكون اتكمبورت بيان افيك لي جون alors qu'elle se comporte mal avec sa femme et ses parents. C'est quoi ce comportement qu'on a? Tu te comportes bien avec les gens alors que quand tu rentres chez toi, ça y est, t'es un lion. Ça y est, t'es le plus fort. T'es le plus fort. Des hommes orgueilleux, subhanallah, qui marchent, on dirait qu'ils ont créé la terre et les cieux. T'es qui toi? Tawada' lillah azza wa jal, sois humble. Tawada'. Ibn Mas'ud te dit, cherche ton cœur à trois endroits. Cherche ton cœur à trois endroits. Cherche ton cœur quand tu lis le Coran. Cherche ton cœur quand tu es dans une assise de science. Et cherche ton cœur quand tu es isolé seul chez toi. S'il n'arrive pas à trouver ton cœur dans ces endroits, demande à Allah qu'il t'offre un cœur, car tu n'as pas de cœur. Car tu n'as pas de cœur. Il se peut qu'il y ait des actes qui sont petits en eux-mêmes. Mais la bonne intention, elle les fait élever et elle les fait grandir. Et le contraire est pareil. Combien d'actes sont grands aux yeux des gens? La personne a construit des mosquées. Les actes sont grands, mais l'intention, elle les ratifie. Ils cachaient leur SNS, leur acte, leur bonne œuvre. Ils les cachaient comme s'ils cachaient leur mauvaise action. Vous avez vu quelqu'un qui montre ses mauvaises actions et tu dis moi j'ai fiché, moi j'ai fait tel péché, j'ai fait tel péché. L'obtentation, rien, l'obtentation, c'est un poison que tu mets dans ton adoration. Il n'est pas donné à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur décision. Vous avez certes dans le messager d'Allah un très bon modèle. Donc le modèle qu'il faut suivre, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Ton objectif, c'est le paradis. T'emporteras rien avec toi. T'emporteras rien avec toi. Prépare-toi. Accourez-vous, comme il dit Allah Azza wa Jal dans plusieurs versets. Accourez-vous à une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il y a un paradis. Sa largeur est telle, la largeur de la terre et des cieux. Donc ne sois pas, comme je dis, ne sois pas comme une aiguille qui couvre les habits alors qu'elle reste toute nue. Et ne sois pas comme une bougie qui illumine autour d'elle alors qu'elle se brûle. Si en écoutant le Coran, tu n'arrives pas, tu n'as pas de sentiment. Laisse Halik Takina. Dis-toi que ton cœur est mort. Subhanallah, les montagnes sont touchées par la parole d'Allah. Les animaux, tu ne comprends pas, ni le français, ni l'arabe, sont touchés par la parole d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on dirait des hommes? Ya Rab, ma communauté a délaissé ce Coran.